Book 2 62 62 طرح الأسئلة 1 Poser des questions 1 يتعلم يدرس يذاكر Apprendre. Apprendre. هل يدرس يذاكر تلاميذ كثيرا؟ Les élèves apprennent-ils beaucoup? Les élèves apprennent-ils beaucoup? لا, إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. Non, ils apprennent peu. Non, ils apprennent peu. يسأل. Demander. هل تسأل المعلمة مرارا؟ Posez-vous souvent des questions à votre instituteur. Demandez-vous souvent votre instituteur? لا, لا أسأله مرارا. Non, je ne le demande pas souvent. Non. Je ne le demande pas souvent. يجيب. Répondre. أجب من فضلك. Répondez, s'il vous plaît. أنا أجيب. Je réponds. يشتغل. Travailler. هل هو يشتغل حاليا؟ Travaille-t-il en ce moment? نعم, هو يشتغل حاليا. Oui, il travaille en ce moment. يأتي. Venir. هل ستأتون؟ Venez-vous. نعم سنأتي حالا. Oui, nous arrivons tout de suite. يسكن. Habiter. هل تسكن في برلين؟ Habitez-vous à Berlin? نعم, أنا أسكن في برلين. Oui, j'habite à Berlin.